Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Pierre-Yves Roy des Marais. Yes! Yes! Comment ça va, Pierre-Yves? Ça va super bien, toi, Sofiane? Ça va super, merci. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Ben là, ça fait plaisir. Ça fait voyager, hein, tu sais. Ah ben. On n'est pas sur le même fuseau horaire, en effet, oui. Non, tu dois être l'heure du souper. Moi, je suis en train de grignoter un petit sandwich, là. Moi, il est midi, il est pile l'heure du lunch. C'est ça. Ben nous, il est 18h chez nous. Il y a 6h entre nous. Non! Ah ben oui, hein, mais ça va. J'imaginais que ce serait encore plus décalé que ça. Finalement, 6 heures, ça va. Hein. Ben non, c'est bien correct. C'est, ben oui, effectivement. Bon. Et donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ben oui, tu sais, j'ai des petites anecdotes cocasses, là, tu sais, parce qu'il m'est pas... j'essayais de penser justement à des anecdotes où il y aurait quelqu'un qui aurait vomi dans sa sacoche ou quelque chose comme ça. Par exemple, je dis ça comme ça, je dis ça à titre d'exemple. Mais il m'est jamais rien arrivé de terrible, mais il m'est arrivé des trucs plutôt particuliers. Là. Mon premier show, mon premier spectacle à vie, en fait, où ce que j'ai fait, j'avais 11 ans. Alors, je vais te dire, j'avais 11 ans. Ah ouais, d'accord. C'est ça, c'est que le spectacle, faut le dire vite, là, c'était j'étais allé voir, je sais pas si tu es familier avec Louis-José Hood. Ah, bien sûr, c'est l'humoriste le plus connu au Québec, je pense. Ah ouais, absolument. Tu sais, j'avais 11 ans, puis j'avais été voir son spectacle dans ma ville natale, à Terrebonne. Tu connais, j'imagine. Oui, j'ai déjà vu passer le nom, oui. j'ai vu des noms tellement bizarres au Québec que je pense que je l'ai vu passer dans le tas, mais... Ah ouais? C'est ça bizarre? C'est quoi les noms? T'as la petite retenue que t'as trouvé Saint-Hyacinthe... C'est ça bizarre? Ouais, bah un petit peu, ouais. Sainte-Perpétue. Ouais. Ça, c'est un petit peu bizarre quand même. Ouais, ben, tu sais, on a beaucoup de saints, là. Il y a vraiment beaucoup de saints au Québec. Tu sais, il y a des saints que tu fais, hey, je peux pas croire ça, c'était un saint, là. Tu sais, Saint-Denis. Je peux pas croire qu'il y avait un Denis qui était saint. Les Denis que je connais, moi, ils ont pissé sur des divans, là, tu comprends? On a des Saint-Denis ici aussi, donc ça va, tu vois. Ah ouais, bon, tu vois. Mais ouais, Saint-Étienne. En tout cas, j'avoue qu'Étienne, c'est pas ça. Mais bref, il y a beaucoup de saints, mais ça, c'était à Terrebonne. D'accord, donc Terrebonne, OK. Mais j'avais 11 ans, j'avais jamais fait, tu sais, je savais même pas que je voulais faire ça dans la vie encore. J'avais déjà un peu une idée, là, tu sais, il faut se dire que... Mes parents sont particuliers quand même. Là. C'était eux qui m'encourageaient à faire de l'humour, ce qui est assez rare. Ah, mais... ah oui, d'habitude, c'est l'inverse. Ils veulent nous décourager. Ouais. Ils veulent nous diriger vers une carrière plus traditionnelle. Quoi. D'habitude, c'est pas une bonne nouvelle quand tu leur dis que tu veux être humoriste là, à tes parents. C'est là, vrai. Je veux dire, moi, ils m'ont encouragé à le faire quand j'étais jeune. Fait que, ouais, c'est ça. Puis c'est eux qui m'ont amené là, voir Louis-José puis tout ça. Puis pendant le show, il y a quelqu'un qui se lève pour aller aux toilettes. Puis Louis-José fait « Hey, tu t'en vas où? » Tu sais, la personne, elle m'en va aux toilettes. Fait qu'il fait « Bon, ben, on va t'attendre. » Fait qu'il s'assoit sur le bord du stage. Il s'assoit, puis il parle à la personne avec qui il est venu. Il fait « Ouais, mais vas-tu souvent pisser même pendant le show? » Là, pas dérangé. Fait que là, il se met à jaser. « Ouais, vous venez de où? » Fait que là, il fait du temps, puis il parle. Puis ma mère se retourne vers moi, puis elle me dit « Va y demander un autographe. » Fait que là, je dis « Là? » Tu sais, j'ai 11 ans, mais je suis plus conscient que ma mère que ça se fait pas, tu sais. Elle dit « Oui, il faut lui demander un autographe! » Je fais « Oui, mais il est en spectacle! » Elle dit « Mais non, mais là, il est en mort, là! » Fait qu'elle sort de sa sacoche, elle sort une vieille facture, puis genre un eyeliner, là, tu sais, un truc pour se maquiller, là, tu sais. Elle dit « Va lui demander un autographe! » Je suis super gêné, mais je finis par « OK, tu sais, ma mère, elle me dit que c'est correct, ça doit être correct. » Fait que je me lève, on est assis loin, là, on est assis dans le fond, là, je traverse la salle. Lui, il fait juste lever les yeux, Louis-José, fait « Qu'est-ce qu'il fait là, lui? » Là, je fais juste m'approcher, je fais « Bonjour, Monsieur Hood, je voudrais un autographe. » Puis là... Là, ça part à rire dans la salle parce qu'évidemment, tout le monde m'a entendu. Tout le monde fait « C'est qui, ce petit weirdo-là? Il est bien épeurant. Il s'en va-tu le tuer? » Qu'est-ce qu'il fait? Fait que là, il fait « OK, ben ouais. » Il dit « T'es pas gêné, hein? » Puis, au contraire, j'étais super gêné. Tu sais, c'est ma mère qui m'avait forcé à le faire. Fait qu'il signe l'autographe. Il dit, il me demande « C'est quoi mon nom? » Il me jase. Il dit « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? » Fait que je dis « Ben... j'aimerais ça être humoriste comme toi. » Fait que là, le monde, je viens de décider ça. Là, je venais juste de décider que c'était ça que je voulais faire. Fait que il dit, Fait qu'il dit, parfait, à la fin du show, tu viendras sur scène, tu compteras une joke. Oh! Fait que là, moi, je capote, je connais aucune joke. Uh-huh. Fait que tout le reste du show, j'écoute plus. Moi, là, je me rassois, puis je fais juste penser à qu'est-ce que je vais dire, tu sais. Oh là là! Fait que bref, en espérant un peu qu'il m'oublie, là, tu sais. Fait que là, mm-hmm. il finit son show, tu sais, il fait le rappel, puis tu sais, gros show, là, ça lève, puis tu sais. Fait que là, à la fin, il finit, je suis comme, ah, il m'a sûrement oublié. Fait avant mm-hmm. de partir, Pierre-Yves, on revient ici! Fait que là, le mec. Fait que là, genre, je traverse la salle, je shake, là, tu sais, j'ai tellement peur, j'ai 11 ans, je monte. Ah, bah oui, sur scène. Là, déjà, quand même, waouh! Parce que vraiment, je pense que moi, si ça m'était arrivé à 11 ans, j'aurais même pas eu le courage d'aller demander l'autographe au départ, déjà, tu vois. Ben, c'est ça, Ben, quand t'as une mère insistante, ça peut y aller, tu sais. Fait que je suis sur scène, puis j'ai. La seule joke qui m'est venue, c'est une joke, c'est une street joke, là. C'est une joke de rue, c'est une joke que tout le monde fait, c'est une joke que ouais. tout le monde connaît. Je sais pas si vous la faites en France, ça sera la bonne occasion de me le dire. Uh-huh. C'est probablement la joke la plus classique, là, ici. C'est, ouais. c'est un gars qui veut rentrer dans la police. Oui. Fait que la police s'est tassée, puis il est rentré dans le mur. C'est ça la joke. Ah oui, d'accord, je vois le genre, je vois le genre, mais c'est comment dire, ouais, c'est la blague, ouais, c'est un jeu de mots sur le sens de rentrer dans la police, quoi, voilà. Ouais. C'est, oui, je vois le genre, c'est un peu comme la blague en anglais avec le cheval qui rentre dans le bar et on lui dit « why the long face », tu vois, c'est un peu le même style, voilà, c'est un ouais. jeu de mots sens propre, sens figuré, tu vois. Exact. Fait que là, moi, je fais ce joke-là, mais ça rentre ouais. comme une tonne de briques, là. Ouais, et les gens, ça va, ils étaient bienveillants et tout? Ben oui, j'avais 11 ans, tu sais, fait qu'ils m'applaudissent. Moi, je suis comme, yes, je suis le king, tu sais. Fait que moi, ça, c'était ça, mon premier show. Je suis monté, j'ai volé une joke. j'ai interrompu le spectacle. Ça oui. a été ma première expérience. Alors, je pense que à cet âge-là, bon, évidemment, si aujourd'hui quelqu'un te fait monter sur scène et que tu fais une joke que tout le monde connaît déjà, une joke d'internet, là vraiment non, ce sera pas acceptable, tu vois. Mais à 11 ans, on s'attend pas à ce que tu aies tes propres blagues, tu vois. On s'attend vraiment à ce Mais que non, tu sortes quelque sais. Chose de. Voilà, c'est normal. Donc déjà rien que le fait, je pense que le challenge là-dedans, c'était le fait de monter sur scène et de parler devant. Il y avait combien de personnes, combien de milliers de personnes? Oh non, c'est pas, écoute, au Québec, c'est jamais des milliers, à part si c'est dans les grosses villes, fait que c'est à peu près 800 personnes. Là. Ce qui est déjà énorme, tu vois. Donc, ah, un ouais. enfant de 11 ans qui monte sur scène pour parler devant 800 personnes, je pense que c'était, de toute façon, t'aurais pu faire n'importe quel joke, t'aurais eu des applaudissements, parce que c'est quand même incroyable d'avoir ça. Et c'est beau de se dire qu'on a commencé devant 800 personnes, tu vois. Toi, t'as commencé devant... Ah, mais c'est vrai. Toi, t'as commencé ouais. devant 800 personnes au show de Louis-José Houde. Moi, ma première scène, c'était devant 50 personnes qui fumaient la chicha, tu vois. Donc, c'était pas ah, du ben... tout le... C'était pas va, du tout moi. Le même mood, tu vois. Mais, ah, je mais sais, c'est... Ben, je suis tombé de bas, moi, après. Je suis tombé de haut, je veux dire. Mon premier show, après, c'était à, je sais pas, à 19 ans, quand j'ai commencé à en faire pour vrai. Ben, le premier show, c'était cool, tu sais, c'était super le fun. J'ai été, tu sais, super bien accueilli parce que j'étais présenté comme un jeune qui venait tester son numéro pour faire les auditions de l'école de l'humour, tu sais. Ah, oui, oui. Fait que les gens sont super réceptifs, là, puis, tu sais, encourageants. Mais mon deuxième show après ça, ben, en fait, mon troisième, là, si on inclut le ouais, show ouais. de Louis-José, c'était devant deux personnes, ah. littéralement, dans un ouais, café. Ouais. C'était dans un café à genre... Pas l'après-midi, pas le soir. Tu sais, d'habitude, les choses comme à 8, là, je sais pas en France, mais nous autres, c'est comme toujours à 8h le soir. Ouais, 8h, 9h, ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Là, c'était comme à 6h. Tu sais, ah. comme une heure dégueulasse. Il y avait deux personnes dans la salle, puis c'était le propriétaire puis sa blonde. Fait qu'il était... Donc, c'est pas non plus le meilleur public possible, quoi. Ben, il était, lui, il voulait que ça lève, là, il était dans son propre café, mais tu sais, il était bien angoissé parce qu'il n'a pas fait de vente, puis il faut qu'il paye toutes les humoristes. Fait que devant deux personnes, ça, c'était mon deuxième show, ça. Ah, mon, ouais. mon deuxième show après, ouais. Ouais, mais après, je comprends parce que c'est souvent ce qui se passe pour les humoristes et c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est que le premier show, il y a tellement une énergie bienveillante et tout que ça se passe bien. Et le deuxième, tu prends la confiance et en général, tu tombes de haut. Donc là, toi, ce qui t'a fait tomber de haut, c'est déjà le nombre qui a chuté, tu vois. Mais nous, enfin, nous, je veux dire, en règle générale, même s'il y a le même nombre de personnes, quand on prend trop la confiance, tu vois, moi, je vois, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai trop pris la confiance sur mon premier set. Le deuxième, c'était à peu près la même configuration. Et. Bon, j'ai pas pris un bide complet, mais quand même, c'était très très dur. Vraiment, il n'y a pas eu beaucoup de réactions et tout. Ça m'a Bah oui. ramené un petit peu sur terre et j'ai compris que c'était un métier, tu vois. Parce que la première fois, quand tu le fais et que ça se passe bien, t'as l'impression d'avoir craqué le code, tu vois. Ben oui, exact. Ben, c'est un classique, là, ça, là, des jeunes qui prennent beaucoup de confiance. Tu sais, il y a ce phénomène-là aussi à l'école de l'humour où ce que après la première année, tu penses que tu as tout compris, là, tu sais, puis t'es comme, ouais, je pourrais sortir de l'école, là, tu sais, puis je comprends la game, là, tu sais, je suis pas cap. Puis mais c'est dégueulasse, là, tu sais, t'as vraiment pas assez d'expérience. Puis même en sortant de l'école, il y a une autre confiance. Ah, je suis un finissant de l'école de l'humour. Tu sais, il y a quelque chose de. Faut comprendre aussi qu'au Québec, là, c'est comme Ah ben c'est une c'est un. validation en fait. Ben, exact, c'est un sceau d'approbation, là, tu sais, quand même, qui a beaucoup de valeur, là, tu sais. Mais le niveau de confiance qui vient avec est beaucoup plus élevé que la réelle valeur. On va dire que tu as mis toutes les chances de ton côté, mais il faut toujours garder ce doute. Si jamais tu gardes pas le doute, tu seras pas bon parce que les gens vont sentir une prétention et une arrogance qui fait que même la Oui. meilleure des jokes ne passera pas. Ben non, absolument, t'as tout à fait raison. Tu disais ça tantôt, tu disais c'était pas un bide. Quand tu dis bide, là, c'est BIDE comme dans le sens où ça c'est un show qui a mal été, ça, quand tu dis j'ai pris une bide, c'est ça? Comment On c'est ça? dit oui en France. Alors je pensais, je me suis posé la question, je me demandais si au Québec vous disiez pareil. Nous on dit prendre un bide ou Pas un prendre un bide. four. Voilà, un bide ou un four, Un four, ouais. c'est genre faire un show avec zéro rire quoi. Ok. Ouais, Comment j'essaie de vous voir appelez ça. ça vous? Ben, se planter, ça c'est sûr. On appelle ça se planter. Je sais pas, j'essaie de voir. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup d'expressions anglophones là, qu'on utilise. Tu sais, bomb, là, tu sais. Oui, bomb, oui, Fait voilà, oui, to bomb on stage, ouais. que... Ouais, exact. Ben, tu sais, ben, je pense qu'on dit se planter. Ouais, ben, moi, je préfère dire prendre un bide, parce que tu sais, en tant que musulman, si jamais je commence à placer le mot bomb dans une phrase, ça Ouais, c'est peut un être peu. un petit peu mal interprété. Ouais, c'est ça. Mais puis moi, j'essaie de pas utiliser trop planter parce que les Blancs, on plante beaucoup de plantes, là. Justement, c'est vraiment un stéréotype qu'on essaie de s'éloigner. C'est vraiment gênant. Mais mais ouais, il y a plein de termes. Hein. Excuse-moi, ça me fascine. Là. Je sais que c'est bien classique là, de faire la France puis le Québec. On n'a pas les mêmes expressions, mais ça me fascine quand même. Là. Dites-vous ça, tu sais, je dis des jokes là, depuis tantôt, mais vous dites ça Oui, aussi des jokes? Vous dites plus. Je sais que vous êtes on des peut le vannes dire. aussi. Ouais, nous on dit plutôt des vannes, mais joke, on comprend, tu vois. Ouais. Il y a plein d'expressions comme ça, comme heckler et tout. Voilà, on les utilise aussi. Ok, ben oui, parce que j'avais été faire des shows un peu en France, pas l'an dernier, l'autre année d'avant. Puis c'était des plateaux, c'est ça qu'on a fait, je pense, là, des plateaux. C'est comme les soirées d'humour, ce qu'on appelle nous autres des soirées d'humour, vous, c'est des D'accord. plateaux, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. En Ouais. fait, nous, on a deux termes. On a scène ouverte et plateau. Ah oui, c'est ça. Scène ouverte, voilà. Scène ouverte, ça va plus. C'est un open mic, tout simplement. Ouais, parfait. Ouais. Donc, il n'y a pas beaucoup de sélection, voire pas du tout. Et un plateau, c'est une soirée où vraiment les participants ont été triés. C'est le programmateur, tu vois, qui va faire le line-up, tu vois. Donc, en fonction du niveau des gens, quoi. Il va mettre des gens de bon niveau quand même. Ouais, ok, je vois Voilà. ce genre. D'ailleurs, le mot line-up, voilà, au lieu de dire programmation, on dit. Ouais, souvent, on utilise le line-up, ouais. Ouais, nous autres, tu sais, on dit ça, on dit line-up. Puis sinon, on dit pacing. Tu sais, Ah non, ça, j'ai ouais. jamais, jamais entendu pacing. Ah, Donc, ok. Ouais. le pacing, c'est la programmation de la soirée. Ben, pacing, c'est utilisé comme une coupe pour deux affaires, soit justement la programmation de la soirée ou toi, l'ordre dans lequel tu vas dire tes jokes. Tu sais. Ah, Fait que, d'accord, mettons, je si tu comprends. décides de commencer avec ton numéro sur le camping, après ça, tes jokes de bombe, justement, après ça, tes jokes de planter des fleurs, ben, cet ordre-là dans lequel tu vas faire tes jokes, c'est ton D'accord. pacing, tu sais, ton Ah, rythme. ok, bah je connaissais pas, tu vois. Ok. Moi, je pensais, enfin, quand j'entendais pacing au début, je pensais que c'était plus le côté, le ratio de laughs per minute, tu vois, ou un truc comme ça. Je pensais que c'était plutôt ça, en Ouais. fait. Okay. Ouais, et, non, on est donc, pas, non, c'est pas si scientifique que ça, je pense. Mais on a tendance à mettre le Québec vraiment sur un piédestal au niveau de l'humour, parce que vous êtes le, la comment dire, vous êtes juste après les États-Unis au niveau de la culture de l'humour, donc vous êtes un petit peu les Américains francophones, si tu préfères, tu vois. C'est pour nous c'est ça, le stand-up, vraiment le top du top, c'est le berceau du stand-up, donc New York, tout ce qui est Los Angeles, tout ça, et puis après le Québec, c'est l'équivalent en francophone, quoi. Ouais, ben je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai, là, donc on a les festivals internationaux puis tout ça, mais tu sais, ouais, ben je comprends. C'est une culture qui existe depuis peut-être plus longtemps aussi qu'en France, là, tu sais. Mm-hmm. Mais ouais, je sais pas à quel point on est si hot que ça, mais ouais, c'est vrai qu'on est, on est quand même. Ça fait plus longtemps là, qu'il y a des monologuistes puis tout ça, j'imagine. Ouais. Ben, nous, on n'a pas vraiment de late show ici, donc on n'a pas cette culture-là. On a du stand-up, vraiment le stand-up pur, qui a vraiment émergé, on va dire, au début des années 2000, on va dire, allez, 2007, il y a eu le Jamel Comedy Club, après, ouais. Ça s'est un peu plus professionnalisé. On va dire, c'est à partir de 2010 à peu près que vraiment il y a eu du pur stand-up. Après, on a des artistes qui faisaient du stand-up sans en parler réellement, tu vois, comme par exemple Pierre Desproges, Proche, Coluche, exact, tout ça, oui. il y avait des parties en stand-up, vraiment. Chacun a fait du stand-up un petit peu à sa façon. Nous, ici, on a beaucoup une culture de personnages, mais le stand-up a toujours existé. Ça fait partie de votre identité aussi, là, tu sais, ça fait partie de ce qui fait que c'est unique aussi, l'humour français versus l'humour américain ou québécois, tu sais, c'est que vous avez des antécédents de théâtre beaucoup plus forts, là, tu sais, des racines théâtrales vraiment plus fortes, là, tu sais. Mm-hmm. Non, c'est vrai, mais le pur stand-up commence vraiment à émerger depuis quelques années ici, ouais. Et on va vers une culture, tu vois, je pense que d'ici quelques années, les premiers qui se sont lancés vraiment dans le stand-up et qui ne jurent que par le stand-up, je pense que ça va donner les futurs George Carlin, peut-être, tu vois, voilà, je parle pas pour moi, évidemment, tu vois, comme Farid, tout ça, Farid, je pense que tu connais. Oui, ben oui, absolument. Voilà, donc Farid, par exemple, qui est pour moi un des exemples les plus connus du stand-up en France, Farid qui en fait depuis déjà très longtemps, hein, parce que on a l'impression qu'il vient d'arriver, mais en fait non, pas du tout. Ça fait, il a commencé dans son adolescence carrément, tu vois. Il était encore adolescent quand il a commencé, et aujourd'hui il est à fond dans le stand-up et tout. Il a monté son comedy club ici qui s'appelle le Madame Sarfati. Alors la référence, je pense que tu l'as pas, Madame Sarfati. Ça te dit quelque chose ou pas? Ben je savais qu'il avait ouvert son club, là, mais je savais pas c'était quoi le nom, non? Voilà, donc le nom, c'est Madame Sarfati. C'est en référence à un sketch d'un grand humoriste qui s'appelait Eli Kaku. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non. Non. Alors, c'était vraiment une superstar en France, un grand comédien, grand humoriste. Et son personnage phare, c'était Madame Sarfati, maman juive tunisienne qui était très, très mère poule avec ses enfants, avec ses petits-enfants, tout ça. Voilà, c'était son personnage phare. Donc, Madame Sarfati a donné le nom, le Madame Sarfati, maintenant au club de Farid. Et donc, je disais, voilà, Farid qui est pour moi un des exemples les plus clairs du stand-up. Je pense que lui va terminer un peu comme George Carlin, voilà, donc à faire du stand-up encore à 60 ans, 65 ans, voilà, et ça va se bonifier encore plus avec l'âge. Déjà maintenant il a un très grand niveau, et je pense que ce genre de profil stand-up va se bonifier avec l'âge et va nous donner de très très belles choses à voir. Si tu veux, l'essor qu'il y a eu dans le stand-up dans les années 70-80 aux États-Unis, c'est à peine là où on en est aujourd'hui en France, j'ai l'impression. Ouais, mais en même temps je me dis, avec Internet, c'est le fait que justement vous ayez accès à ces humoristes-là des États-Unis, est-ce que ça nous met pas un peu tous sur le même pied d'égalité au niveau de l'expérience de « OK, on voit un peu ce qu'on peut faire, puis tout le monde va un peu partir dans sa direction », tu sais, parce que j'ai l'impression aussi que le stand-up pur, c'est pas une mode, mais on dirait qu'il y a vraiment une culture de, en tout cas, il y a eu ça au Québec, beaucoup de, c'était très valorisé, la personne toute seule sur scène avec un micro, puis pas de décor, puis il fait juste parler pendant une heure et demie, puis ça, c'est ce qu'on valorise. Mais ça, tu sais, justement, de jouer avec la forme, puis on commence à avoir justement plus en plus de style, puis pas juste du stand-up pur, tu sais, est-ce que justement ça va pas un peu s'éclater comme ça partout, puis avec la venue d'Internet, tu sais, vous êtes pas en retard, tu sais, vous savez c'est quoi la culture du stand-up, tu sais, fait que je me questionne à savoir, est-ce que vous êtes vraiment si en retard que ça, tu sais, entre guillemets, tu sais. Ben, au niveau de la culture, non, parce qu'aujourd'hui, Internet a permis de remettre tout le monde sur le même niveau, comme tu viens de le dire. Mais je pense qu'au niveau de la pratique, tu sais, c'est comme si tu regardes toute la journée des vidéos de gens qui conduisent des voitures. Le jour où tu conduiras ta voiture, tu ne seras pas aussi doué, tu vois. Donc, Ouais, c'est sûr, mais sur le plan individuel, effectivement, là, t'sais, c'est sûr que ça prend une expérience, mais je veux dire, au niveau de l'importance que ça prend dans la culture. Ouais, c'est vrai que ça prend des modèles français pour créer d'autres talents émergents français, là, t'sais, Bah, nécessairement. l'avantage d'Internet, en fait, c'est que ça nous permet de voir ce qu'il est possible de faire, toutes les Ouais. formes possibles de stand-up, d'humour, tout ça. On voit que tout le monde a son style bien à lui. Donc, on voit que toutes les portes sont possibles. Tu vois, on peut ouvrir n'importe quelle porte dans le stand-up. Mais après, au niveau de la pratique, je pense que ça va encore demander quelques années avant de vraiment rentrer dans le quotidien des spectateurs français parce qu'ils ne sont pas encore tout à fait habitués. Alors, si tu regardes Paris, par Ouais. exemple, il y a beaucoup plus une culture stand-up à Paris. Donc, c'est plus facile. En revanche, dans certains endroits en province, c'est plus compliqué parce que les gens connaissent plus l'univers de Muriel Robin, de Pierre Palmade, des personnes en fait qui faisaient plus du personnage que du stand-up. Ce qui n'est pas mauvais, bien évidemment. Mais je pense que pour rentrer dans le quotidien des Français, comme c'est rentré dans le quotidien des Québécois ou des Américains, le stand-up a encore quelques années de pratique avant d'y arriver, quoi. Ouais, ben oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est vrai. Puis c'est un peu comme ça aussi au Québec. T'sais, évidemment, j'ai l'impression que c'est le même aussi aux États-Unis, là, que dans les grosses villes où évidemment la culture est plus bouillante, c'est sûr que ça évolue un petit peu plus vite, là, t'sais. C'est sûr et certain. T'sais, c'est le même aussi là, au Québec, là, si tu vas faire une soirée d'humour bien obscure à À Montréal, ça va être. Terrebonne, si tu vas à Terrebonne, est-ce que ça Ouais. marche? Ben, Terrebonne, c'est pas si pire, mais non, mais c'est sûr, évidemment, que si tu vas dans une soirée d'humour obscure avec ben des jeunes qui sont habitués à la culture du stand-up, ben c'est là que tu peux aller un petit peu plus loin dans la forme que si tu justement tu vas dans une salle de spectacle à Terrebonne avec des gens qui, puis j'enlève rien à ces gens-là, mais qui voient un ou deux spectacles d'humour par année, tu sais, contrairement à du monde qui vont voir les soirées d'humour à toutes les semaines, c'est évidemment que la culture est différente. Je pense que c'est un phénomène assez global, là, t'sais, mais je vois le Mais genre. je pense qu'en France, en fait, nous, les spectateurs n'ont pas encore le réflexe, même si c'est de moins en moins vrai grâce à Netflix, Amazon Prime, tout ça, je pense que les spectateurs n'ont pas encore le réflexe d'aller voir du stand-up de tous les pays, tu vois, et surtout des États-Unis, parce que c'est vraiment là le berceau du stand-up. Je pense que les gens n'ont pas encore cette habitude-là, le public en général, hein, les spectateurs lambda, je veux dire, vraiment. Mais les stand-uppers, oui, les stand-uppers ont l'habitude. Moi, je sais que dès que j'ai découvert le stand-up américain, tout ce qui était Dave Chappelle, Chris Rock, tout ça, Louis C.K., Jerry Seinfeld et tout, j'ai sauté dessus. J'ai découvert le style complètement différent de Jeselnik, tu vois, qui fait vraiment du one-liner, Designer. tu vois, tout ça. Et puis de beaucoup, en fait, sa spécialité, voilà, c'est la fausse piste, tu vois. Il t'emmène vers quelque chose, tu es sûr de deviner la fin, et finalement, il prend un tournant, tu vois, genre un twist au dernier moment. Et là, enfin, tu t'es cueilli par la chute, alors que tu étais persuadé d'avoir deviné la fin, tu vois. Donc, c'est quand même beau, des personnes comme ça qui ont ce style-là. Donc, nous, en tant que stand-upper, on a la curiosité d'aller voir tout ça et on se rend compte de ce qu'il est possible d'offrir au public, mais le public en lui-même garde cette habitude de regarder que ce qu'il connaît déjà quasiment, tu vois. Il y a quelques stand-uppers qui ont réussi vraiment à s'imposer un peu au grand public. Je pense notamment à Haroun, je pense aussi à Blanche Gardin, tu vois. Ce sont des personnes qui ont réussi à avoir une exposition un peu plus large, un peu plus mainstream, tu vois, au niveau du public. Mais le reste des stand-uppers connaît des humoristes aux États-Unis, tout ça, qui vont peut-être arriver dans la culture française que dans 5 ans ou 10 ans, tu vois. Ben oui. Moi, je me rends compte aujourd'hui, par exemple, quand je réécoute des vieux podcasts, tu vois, par exemple, Dan Gagnon, que tu connais certainement. Voilà, qui est un stand-upper que j'apprécie vraiment beaucoup, qui m'a fait découvrir beaucoup de choses à travers son podcast Dan Gagnon gratuitement. C'est d'ailleurs le premier podcast que j'ai écouté. J'en profite pour saluer Dan. J'espère que ça se passe bien pour lui maintenant qu'il est revenu au Québec. Et donc, voilà, il a vécu en Belgique pendant très longtemps, mais grâce à lui, tu vois, il a été un peu mon portail vers le stand-up québécois et américain, tout ça. Il sortait des noms que je ne connaissais absolument pas, et dès que je tapais leur nom sur YouTube, tout ça, sur Netflix et tout, je pouvais voir ce que ces gens-là faisaient. Et voilà, mais le problème, c'est que si tu cherches pas vraiment, si tu t'intéresses pas au milieu vraiment de l'humour, si tu t'intéresses juste en surface, je pense que t'auras pas le réflexe d'aller voir des gens comme ne serait-ce que George Carlin dont on parlait tout à l'heure. Je pense que tu l'aurais pas entendu. Par exemple, Richard Pryor, tu vois, il est vraiment. Désolé pour mon accent dégueulasse, hein, mais voilà. Donc, Richard Pryor, là, je suis mieux, là, je suis bien. Ouais, c'est donc, comme ça qu'il disait, lui, en tout cas. Lui, c'est une manière de prononcer son Richard Pryor, ouais. Voilà, exactement. Il faut bien prononcer les lettres à la française. Richard Pryor, voilà. Et encore, j'ai fait l'effort de dire Pryor et non pas Prior, hein, quand même. Non, attention. Non, exact. Ouais, donc, voilà, donc des gens comme Richard Pryor, tu vois, il est. C'est des gens que, quand tu t'intéresses au stand-up, tu dois passer par cette base. Tu es obligé, tu vois, vraiment de t'intéresser aux fondations du stand-up. Vraiment ce qui a construit le stand-up dans les années 60-70, mais le grand public n'aura pas ce réflexe, et je leur en veux pas du tout. Le grand public, en fait, ne consomme que ce qu'on lui sert, et pour l'instant, dans nos chaînes de télé à nous, on nous sert pas du tout du stand-up américain, tu vois, ou même du stand-up québécois. C'est seulement les gens qui ont traversé l'Atlantique qui vont pouvoir montrer leur style, tu vois, des gens comme Anthony Cavanagh, par exemple. Ouais, exact. Ben, tu sais, c'est ce que je me suis rendu compte aussi un peu, tu sais, pour avoir à peine là, touché un peu, là, avoir trempé l'orteil dans la piscine, là. je me rends compte que nous, on est vraiment beaucoup en contact avec la culture française. Il y a beaucoup de films français qui se rendent jusqu'ici. Il y a beaucoup de, justement, les humoristes français que tu nommes, on les connaît tous, là, tu sais. Mais l'inverse est moins vrai, tu sais. Vous êtes vraiment moins en contact avec la culture québécoise. Fait que ce qui fait que quand nous, on arrive avec notre accent, que notre accent, c'est déjà une barrière parce que vous êtes pas tant que ça en contact avec ça. T'sais. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment cette habitude, tout ça. Après, l'accent, très honnêtement, jusqu'à présent, tous les stand-uppers québécois que j'ai interviewés, l'accent était tout à fait léger, sans problème. J'arrivais à comprendre, on arrivait à se comprendre sans aucun problème. Mais c'est vrai que le public, des fois, peut avoir du mal à attraper ça. On en parlait avec Pierre-Bruno Rivard, qui me disait qu'il avait joué à Montreux. Et malheureusement, son sketch à Montreux avait été beaucoup décrié à cause de son accent, alors que son accent, je le trouve tout à fait correct. Il y a pas de, j'ai pas de problème à le comprendre ou non. Ouais, ben lui, il parle mal en général. Mais... non, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Effectivement. Non, mais c'est ça. Ben, c'est ça que je me. Puis aussi, tu sais, par rapport à ce que tu disais, par rapport au public, là, il va consommer ce qu'on lui sert, c'est vrai. Puis il y a une citation que j'adore de Charlie Chaplin qui disait, et là, je traduis, là, j'improvise une traduction, là, mais il disait. Est-ce que s'il y a bien une chose que ma carrière m'a appris, c'est que le public sait pas ce qu'il veut. T'sais? Parce que souvent on pense que le public sait ce qu'il veut. On pense qu'on veut y servir ce qu'il a déjà voulu. Mais souvent il est prêt pour d'autres choses puis il sait même pas lui-même. T'sais? Non, mais c'est totalement ça. Parce que en fait, ben, déjà, c'est quand même dingue que Charlie Chaplin, à l'époque, déjà se rendait compte de ça. Parce qu'aujourd'hui, on s'en rend compte aujourd'hui, mais à l'époque, déjà, c'était le cas, apparemment. Ben oui, ben tu sais, il y a toujours eu des gens qui ont été là pour révolutionner ou tu sais remettre en question le style ou tu sais jouer avec la forme puis tout ça. Fait que c'est ça, c'est une belle leçon. Je trouve que ça applique à toutes les époques. Ça s'applique à tous les temps, c'est sûr, à toutes les époques. Je pense que les gens pensent qu'ils ne sont pas prêts, c'est juste parce que il va y avoir un petit temps d'adaptation. C'est-à-dire que si tu leur montres, tu vois par exemple pour Charlie Chaplin, quand on est passé du cinéma muet au cinéma parlant. Tu vois, il avait eu, je crois qu'il avait eu un petit mouvement de résistance, c'est-à-dire que quand il a fait le film Les Temps modernes, alors je suis vraiment désolé si jamais je me trompe, hein, j'ai pas une grande culture au niveau de Charlie Chaplin, mais je crois que les Temps modernes, quand il l'avait fait justement, il avait fait exprès de le garder vraiment muet le plus possible, quoi, et il y avait juste la fameuse chanson qu'il avait chantée là. Tu vois, il y a eu une reprise d'ailleurs par un groupe, je me rappelle plus du nom, enfin bref, il y a eu une reprise. Il y a quelques années, mais donc il avait chanté une chanson en inventant des mots, en fait. Il faisait du, comment vous appelez ça, du gibbering, un truc comme ça, non? Du gibberish, j'imagine. Ouais. Gibberish, pardon, voilà, ouais. Tu vois. du gibberish, voilà, c'est-à-dire du blabla, quoi, du blabla. Ouais. Il a baragouiné, comme on dit en France, il a baragouiné oui. quelque chose. Ouais. C'est vraiment, je veux dire, tu vois, il a voulu s'adapter au cinéma parlant, mais son message à lui, c'était, voilà, je n'ai pas besoin de parler pour faire rire. Et c'est clair qu'aujourd'hui encore, tu regardes un Charlie Chaplin muet, mais tu meurs de rire encore aujourd'hui. Ben oui, ben tu sais, il y a des trucs comme ça, j'ai l'impression qu'ils vont toujours, tu sais, c'est un souci que j'ai aussi dans, on dit, c'est une question que je me pose souvent, de, est-ce que ça peut bien vieillir, parce que c'est rare l'humour qui vieillit bien, mais j'ai l'impression que quand c'est ancré dans quelque chose de profondément humain, tu sais, dans les sentiments mm-hmm. humains, ça vieillira jamais, tu sais, ça va toujours exister, tu sais, fait quand c'est une situation de lui qui est dans marde, comme on dit nous autres au Québec, puis qui mm-hmm. essaie de sortir de cette situation-là, c'est très simple. Mais que ce soit dans un bit de stand-up élaboré ou dans un film muet très straightforward, ben c'est assez. Ça va toujours chercher les mêmes zones à l'intérieur, c'est-à-dire les sentiments humains où est-ce qu'on peut se mettre à la place de cette personne-là puis comprendre le feeling, tu sais. Fait que ces affaires-là, ça vieillit toujours bien. T'sais. Oui, bien sûr, ça reste universel. Et je pense que c'est le même problème quand tu passes d'un pays à un autre. Si tu arrives à aller exporter ton stand-up dans un autre pays, c'est que tu t'es adapté, c'est que soit tu as adapté toutes tes références, soit si tu n'as rien changé du tout, c'est que ton humour est universel, en fait. Et il y a certaines blagues universelles, d'autres un peu moins. Mais à partir de là, je pense que si elles réussissent à traverser les pays, je pense qu'elles peuvent réussir à traverser les époques aussi. Ben oui, t'as tout à fait raison. C'est exactement ça. T'sais, si je fais une joke de... Coudonc, c'est-tu moi ou le gars qui nous accueille au métro Jarry, il pue? Tu fais, mais dès que tu sors de Montréal, c'est fini. Mais, oui, voilà. Ta blague elle a une durée de vie de 15 km carrés, pas plus. Ouais, tu vois, c'est ça. Mais t'as raison, très, très compliqué. Faut que ça prenne des jokes qui traversent l'espace-temps. C'est ça, exactement. Non, t'as raison, pareil. Non, ben écoute, non, mais c'est compliqué. Hein. On aimerait tous avoir un spectacle universel, mais évidemment, c'est du travail et du travail et du travail. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est bien placé pour nous en parler. J'espère que j'aurai l'honneur de le recevoir dans le podcast un jour. C'est Sugar Sammy. Ouais, ben puis tu sais, je pense que quand c'est universel, faut que ce soit. C'est parce que ça passe par le fait que c'est personnel aussi. Il faut que ce soit profondément mm-hmm. humain et personnel, proche de toi-même. Pour que ça parle à d'autres mondes, là, je pense. Tu sais. Ouais, c'est vrai, mais après, je pense qu'on le sent. Bah, plus on joue dans d'autres pays, plus on sent les choses communes qui nous réunissent, quoi. Ben oui, effectivement. Ben oui, 100%. Merci beaucoup pour ces anecdotes. Je voulais juste te poser deux questions par rapport aux deux anecdotes que tu nous as racontées. Donc la première, c'est est-ce que tu as pu reparler à Louis-José Houd de cette expérience que tu as vécue avec lui? Écoute, j'en ai même pas parlé personnellement parce que je l'ai recroisé plusieurs fois, tu sais, puis ça me rendait toujours nerveux, là, s'il y a bien une personne qui me rend nerveux dans ce milieu-là, c'est lui, là. Il y a une fois que je faisais justement un show au Bordel, je sais pas si tu connais le Bordel, qui est comme... Oui, le... qui est tenu, je crois, par Mike Ward, François Bellefeuille, Charles Deschamps, je crois. Oui, Louis-José Houd aussi, justement. Louis-José Houd aussi, d'accord. Et Laurent okay. Paquin. Uh-huh. Et Laurent Paquin. Et Laurent... Ah, d'accord, ok. Non, je savais pas que Laurent Paquin était dans le Bordel Club aussi. D'accord, ouais, et donc tu l'as rencontré là-bas, oui? Ben, je l'ai rencontré plusieurs fois, Louis-José, depuis, mais j'avais jamais osé y en parler. Puis juste pour te montrer à quel point je suis nerveux en sa présence, là, il y a une fois où j'allais animer l'open mic du Bordel, qui est mm-hmm. toujours tard le soir après les spectacles réguliers du Bordel. Oui. Puis, fait que j'étais juste sur Instagram avant de partir pour le Bordel, puis je vois une story d'un humoriste qui est sur le spectacle régulier, puis je vois le line-up, en fait, du show, où ce que Louis-José est-tu, puis souvent, quand ils sont sur le show régulier, ils restent pour l'open mic après. Fait que juste de savoir ça, ça m'a rendu tellement nerveux, je me suis présenté au Bordel, puis là, j'ai juste demandé au gérant, j'ai fait, Louis-José, es-tu dans les loges en haut? Puis il fait, ah ouais, je pense qu'il est encore là. Je fais, ok, ben, je vais rester ici, d'abord. Fait que juste rester là, je suis jamais monté en haut, j'ai juste laissé mon sac, mon manteau derrière la régie. Puis j'ai dit, ouais, bon, ben, je vais aller sur scène. Là. Fait que là, j'ai commencé à animer. Puis Louis-José est rentré dans la salle pendant que je jouais. Puis je suis devenu le pire humoriste au monde. J'étais tellement pas bon juste parce que je savais qu'il était là. Fait que ça, c'est à quel point il me rendait nerveux. Fait que j'ai jamais osé y en parler, mais j'ai raconté cette anecdote-là de l'autographe. À une émission de télé Puis eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont contacté Louis-José pour lui demander s'il s'en souvenait. Puis tout ça. Puis lui, ce qu'il faisait souvent, Louis-José, c'est qu'à cette époque-là, il filmait ses spectacles pour pouvoir se réécouter. Puis tout ça. Fait qu'ils ont essayé de retrouver le footage, tu sais, la vidéo de moi, mais ils n'ont pas été capables, ils l'ont pas retrouvé. Mais Louis-José s'en souvenait. Fait que ce qu'il m'a dit, c'est. Il m'a fait une vidéo, il s'est filmé chez eux, puis il m'a envoyé la vidéo de. Hey, salut Pierre-Yves, tu t'es pas mal amélioré depuis, bravo. Il dit, regarde, quand tu auras ton one-man show, ben, je viendrai compter une blague à la fin. Fait que, oh, c'est beau, c'est magnifique. Ouais, fait que c'est une belle fin romantique hollywoodienne. Fait que quand je vais être de passage, je vais essayer de faire ça probablement à Terrebonne. Là. Tu sais, quand je vais être de passage à Terrebonne, je vais demander de venir compter une joke. Oui, voilà, pour boucler la boucle, quoi. Que ça, exact. Que ça se termine là où ça avait commencé à la base. Exactement. Ah, mais c'est quand même beau d'avoir gardé cet émerveillement et puis cette naïveté un petit peu du petit garçon qui va voir un artiste qu'il admire, tout ça. C'est beau parce que moi, je vois, je sais pas si ça t'a fait ça, mais quand j'ai commencé dans l'humour, en fait, il y a plein de choses que j'ai perdues. Tu vois, cette naïveté, tout ça. C'est comme le fait de rigoler. Aujourd'hui, je rigole moins, malheureusement, devant un spectacle parce que mon cerveau est plus en mode analyse, tu vois. Ben oui, 100%. Là, tu sais, je pense qu'on a toute cette maladie. Dit là, c'est-à-dire de pas être capable de se laisser aller puis de se poser la question là, il aurait pu aller là, il aurait pu faire tel joke ou ah, je savais que ça allait être ça le punch ou tu sais. Fait qu'évidemment qu'on se pose toutes ces questions-là, mais oui, tu sais, moi, quand je travaille avec des gens que j'admirais quand j'étais jeune, ça me ramène toujours à ce feeling-là du petit gars qui tripait sur l'humour puis qui voulait en faire, tu sais. Ah, mais c'est beau, bah, du coup, t'as réalisé ton rêve, c'est bien. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu voudrais pas dire à ta mère merci vraiment de m'avoir poussé à aller demander cet autographe? Ben oui, effectivement, tu sais, merci d'être complètement folle. mais ça a aidé en général, tu sais, mes parents m'ont poussé à faire ça, tu sais, alors que c'est vraiment pas quelque chose que les parents font d'habitude pour ce genre de métier-là, tu sais, fait que c'est sûr, là, tu sais, je suis tellement reconnaissant de comment mes parents... Ah, bien sûr, mais tu vois, tu parlais de folie, mais c'est la folie qui permet de faire des belles choses. Regarde, je pense que la première personne qui a dit « je vais construire un appareil qui va permettre de voler », je pense qu'on l'a pris pour un fou, tu vois, voilà, c'est... Ouais. C'est comme ça, on a dû prendre cette personne pour un fou. Et, par contre, aujourd'hui, ma mère n'a pas le même génie que quelqu'un qui a inventé l'avion. Là. Je veux juste te dire que tu es en train de comparer quelqu'un qui invente Écoute, un avion puis une a mère pas inventé... qui oblige son enfant à interrompre un spectacle. Oui, mais quelque part, elle n'a pas inventé l'avion, mais elle a inventé Pierre-Yves Roy des Marais. C'est pas mal quand même. Ah, c'est beau ce que tu dis, t'as raison. Je suis touché, là. Je pleure. En ce moment, tu me vois pas, mais je pleure. Écoute, merci beaucoup. Et puis, merci à Madame Roy Desmarais, du coup, d'avoir... Madame Desmarais, ouais, exact. Voilà, Madame Desmarais, merci beaucoup à Madame Desmarais de t'avoir poussé à faire ça. Quelque part, peut-être que si elle l'avait pas fait, on sait pas si aujourd'hui tu aurais fait ce métier, on sait pas. Ben non, c'est vrai. Ben, tu sais, en général, tu sais, de la manière qu'ils m'ont... dans l'environnement dans lequel j'ai évolué a fait en sorte que je peux faire ce métier-là aujourd'hui. Fait que oui, leur folie m'a amené jusque-là. Mais tu sais, on aimerait bien tous avoir des parents dans ce genre de folie-là, tu vois, parce qu'il y en a certains qui vont mettre ce genre d'énergie et ce genre de motivation pour te diriger vers des études d'avocat ou de médecin, tu sais, les deux grands classiques, quoi. Exact. Voilà, exact. Alors que là, ils t'ont poussé à réaliser un rêve, c'est quand même magnifique. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Bon. Ah, je suis 100% d'accord avec toi. C'était très. En fait, c'était toujours une culture de fais ce qui te passionne, tu sais, puis fais-le à 100%. Fait que, puis moi, c'était l'humour. Fait qu'ils m'ont toujours encouragé à le faire à 110%. Là, vas-y, puis fais-le au complet. T'sais. Eh bien, c'est super, c'est exactement ce qu'il faut. Et on espère que tous ceux qui rêvent de faire du stand-up y arriveront. Une fois que ce maudit Covid sera loin, voilà, on pourra reprendre nos vies normales et reprendre la scène. La deuxième chose que je voulais te demander par rapport donc à ce que tu m'as raconté au départ, tu m'as dit que tu étais venu jouer donc en France et ouais. On parlait du problème d'accent. Alors toi, est-ce que tu as eu des soucis de compréhension avec le public français ou pas? Écoute, c'est intéressant ce que tu dis là parce que j'avais le souci au début là, de vraiment bien m'appliquer puis prononcer pour être, j'avais tout changé mes référents là, j'avais parlé à des humoristes français pour ça, est-ce que vous dites ça, comment je devrais le dire pour que ça passe mieux. Puis ça devient tellement plus naturel que ça tue la blague. Tu sais, comme ça, faut, ça brise le rythme. Puis même même s'ils comprennent 100% des mots, il n'y a plus l'essence qui rendait ça comique au début. Fait que le premier show, ça a été un peu... Ben, ça a été une catastrophe. Là. Ça a super mal été parce que j'avais vraiment le souci de bien changer tous les mots pour qu'on comprenne. Puis les shows d'après, j'ai fait, hey, c'est-tu quoi, je vais, à moins d'un mot majeur là, que vous dites vraiment pas, là, tu sais, genre skidoo, je pense pas que vous dites ça, là, tu sais. Fait que, c'est un skidoo, c'est une motoneige. Connaissez-vous ça, une motoneige? C'est comme un... Ouais, motoneige. Ben, on appelle ça, nous, un scooter, je crois qu'on appelle ça un scooter des neiges ou un truc comme ça. Okay, ou une motoneige. Ça, ben... motoneige aussi. Ouais, non, skidoo, j'ai jamais entendu. On dirait le nom d'un personnage de dessin animé. Ouais, ben ça ressemble à Scooby-Doo. Effectivement, oui, voilà. C'est parce que Skidoo, c'est une marque, en fait. C'est juste une compagnie qui fait des motoneiges. Fait que nous autres, on appelle ça de même, là, tu sais. Mais ça n'a pas rapport. Mais bref, fait qu'à moins d'un mot majeur, comme justement, comme on peut en témoigner, Skidoo, je ne changerais rien à comment je le dis. Puis je ralentissais même pas. Tu sais, les autres shows, même si les gens captaient à peu près 85% de ce que je disais. Ça nuisait pas à l'humour, tu sais. Mais tu oui, riais, c'est déjà pis... pas mal. J'aimais mieux qu'ils rient pas parce qu'ils comprennent pas, qu'ils rient pas parce que c'est pas drôle. Oui, mais je comprends. Bah, après, moi, je pense que quand je regarde des humoristes québécois, il y a des choses qui me gênent pas. Bon, bien sûr, si quelqu'un parle de skidoo, je vais pas du tout comprendre de quoi il parle. Ça va me prendre un petit peu plus de temps pour comprendre ce que c'est. Mais par contre, tu vois, par exemple, tu parlais du mot joke tout à l'heure. Si quelqu'un dit oui, je voulais vous raconter une joke, bah là, honnêtement, c'est pas grave. Les gens ne parlent pas comme ça, mais c'est pas grave. On va comprendre. Il y a plein de mots. Tu vois, quand tu dis, quand vous dites ouais, je capotais, machin, bah là, on va comprendre que c'est genre, voilà, j'étais étonné, ça m'a fait, comme on dit des fois ici, ça m'a fait péter un câble, tu vois, voilà, des trucs comme ça. C'est pas grave. C'est vraiment quand tu parles de quelque chose de précis et qu'on n'a pas du tout la référence ici, là, c'est plus compliqué. Mais en effet, si tu fais ton set tout à fait normalement et qu'il y a juste deux, trois mots que tu utilises un petit peu différemment, on peut comprendre. Mais je pense que le mieux, voilà, c'est de parler avec des humoristes locaux pour leur demander vraiment quels mots ne seraient absolument pas compris. Mais dans l'ensemble, on peut comprendre. Je pense que ça joue en fait dans ma compréhension des humoristes québécois. C'est parce que comme j'écoutais François Pérusse, il y a plein de références que j'avais déjà. Tu vois, il y a plein de, je sais pas, quand vous dites une toune, tu vois, une toune, vous parlez d'une chanson. Ouais. Tu vois, voilà, il y a plein de choses comme ça. Nous, on ne dit pas ça ici. Il y a plein de références que j'ai parce que j'écoutais les 2 minutes du peuple. Tu vois, d'ailleurs, c'était un des meilleurs trucs que j'ai écouté de ma vie, quoi. Ben, c'est, oui, mais puis c'est un gros, c'est vraiment un gros nom au Québec, là, François Pérusse. Tout le monde a écouté François Pérusse, tout le monde a un album de François Pérusse. Et je me posais la question, il a jamais pensé à faire du stand-up? Il a déjà fait des galas juste pour rire. T'sais, il a déjà fait des apparitions sur scène, mais il a jamais fait de one-man show ou quelque chose du genre. C'est pas un gars de scène. Lui, il est enfermé dans son sous-sol, dans son studio, puis... Il pense à ses jokes, puis il enregistre ses sketchs chez eux, mais c'est pas, tu sais, son truc, c'est vraiment pas le stand-up. Puis il a déjà fait des trucs sur scène, mais puis même si dans mon souvenir, c'était pas mauvais, c'est pas ça son truc, là, tu sais. Lui, il aime ça travailler ses petites affaires chez eux, puis c'est comme ça que ça a créé, là, justement, le monstre que c'est, là, tu sais, François Pérusse. Tout le monde le connaît, tout le monde l'aime, tu sais, fait que... il s'est jamais dénaturé ou il a jamais essayé de milquer sa réputation. Ouais, bah en tout cas, moi, c'était mon premier contact avec la culture de l'humour au Québec et vraiment, j'ai beaucoup aimé les 2 minutes du peuple. Ça m'a fait toute mon adolescence, quoi. Vraiment, je riais comme pas possible. Quand j'ai commencé en tant que chauffeur de bus, parce que moi, c'est mon métier, donc je suis chauffeur de bus à Bordeaux. Et quand j'ai commencé en tant que chauffeur de bus, j'avais à l'époque, dans mon ancienne ville, donc ma ville de naissance, Clermont-Ferrand, j'avais un autoradio, tu vois. Et donc, je pouvais mettre les radios que je voulais. Et je mettais Rire et Chanson, donc, qui est notre radio d'humour ici. Et il y avait les 2 minutes du peuple de temps en temps. Et quand j'entendais les gens rire aux 2 minutes du peuple, ça me faisait plaisir, tu vois. J'étais content de leur faire découvrir quelque chose. Ouais. Ben oui, c'est cool, ça. Ah, mais c'était super. Mais en tout cas, merci beaucoup, Pierre-Yves, pour ton temps. C'était vraiment un plaisir de discuter avec toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Mon nom, tu sais, cherchez mon nom, vous allez me trouver. On n'est pas beaucoup avec ce nom-là. Fait que... J'avoue que là, vous devez être très très peu, c'est sûr. Hein, mais bon, en tout cas, je mettrai les liens. Donc, j'imagine qu'on peut te retrouver sur Facebook, sur Instagram. Ouais, un peu partout. Facebook, voilà. Instagram, YouTube, etc. YouTube, ouais, tu as Twitter aussi? Ah non, c'est le seul. J'ai jamais. J'en ai un, là, mais suivez-moi pas, ça sert à rien. J'ai rien mis D'accord. depuis genre Ok. 10 ans. Bon, bah, pas de problème. Je mettrai les liens vers Facebook, Instagram et YouTube. Tu as un site internet peut-être ou... Ouais, pierre-yves-roy-desmarais.com. D'accord. Eh bien, je mettrai ça également en site officiel. Et puis voilà. Ben, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.